France Culture. Une mémoire radiophonique. Nous sommes le 26 août 1970. Aux États-Unis, des femmes manifestent pour célébrer le 50e anniversaire du suffrage féminin. À Paris, au même moment, un petit groupe de femmes, en solidarité avec le mouvement américain, se rend place de l'Étoile, sous l'Arc de Triomphe, pour déposer une gerbe à la femme du soldat inconnu. Elles brandissent deux banderoles. La première rappelle qu'un homme sur deux est une femme. La seconde, qu'il y a plus inconnu que le soldat inconnu, sa femme. Le petit groupe est rapidement interpellé par les policiers, mais les journalistes présents, prévenus à l'avance, ont eu le temps d'immortaliser la tentative par des photos. Plusieurs articles paraissent dès le lendemain, et dans l'Aurore et France Soir, les journalistes désignent le petit groupe en parlant du mouvement de libération de la femme française. Elles étaient une dizaine ce jour-là, Monique Wittig, Christiane Rochefort, Julie Dassin, Monique Bourroux, Christine Delphi, Margaret Stephenson, Emmanuel de Lesseps, Janine Serre, Anne Zelinski et Cathy Bernheim. Le 19 octobre 2009, cette dernière était l'invitée d'Emmanuel Laurentin dans la Fabrique de l'Histoire pour évoquer ce moment-là, qui marqua la naissance, à tout le moins médiatique, de ce qui devint finalement le mouvement de libération des femmes, le MLF. À notre horizon se profile un musée d'histoire de France dont on se demande s'il sera là pour renouveler la geste nationale ou pour la questionner de façon critique. Nous en aborderons d'ailleurs jeudi dans notre débat historiographique, tandis que mercredi nous visiterons le Panthéon en compagnie de son conservateur Pascal Monet et de l'historien Nicolas Offenstadt. Demain, nous nous demanderons pourquoi 2 ans après que le futur président Sarkozy a utilisé son nom en campagne électorale, eh bien le 150e anniversaire de la naissance de Jean Jaurès est passé aussi inaperçu. C'était en septembre dernier. Et aujourd'hui, eh bien, nous reprendrons un des titres de chapitre d'un récit de Cathy Bernheim qui sera notre invitée. Louons les grandes dames. Nous nous souviendrons en effet qu'il y a presque 40 ans, le 26 août 1970, quelques militantes de ce qu'on n'appelait pas encore tout à fait le mouvement féministe tentaient de déposer une gerbe sous l'Arc de Triomphe pour rendre hommage à la femme du soldat inconnu, encore plus inconnu que son mari. C'était là l'acte fondateur et public d'un féminisme français, et donc cet acte fondateur a tenté de donner une place dans l'histoire justement aux femmes, dont une seule, il faut le rappeler, Marie Curie, est à ce jour entrée au Panthéon. Et l'écrivain, donc Cathy Bernheim, était de celle-là. Elle a été une des militantes des premières années du féminisme, de celle qui était justement sous l'Arc de Triomphe en août 1970, elle viendra nous en parler, ainsi que de son compagnonnage avec Simone de Beauvoir. Mon récit sera celui d'une overdose de bonheur qui faillit être mortelle pour beaucoup d'entre nous, enfants du baby-boom, venus au monde avec tant de bonnes fées penchées sur notre berceau. Nos aînés étaient nés dans l'urgence et le désespoir, avec des pères prisonniers de la machine à broyer les hommes, des mères devenues virtuoses de la survie, des instants de bonheur volés au malheur généralisé de la guerre. Nous, on arrivait après le grand chambardement. Après les années 50, période de reconstruction des êtres et des choses, les années 60 ouvrirent l'ère de l'inutile. Regardez-les, tous ces bourgeois de nos albums de famille. En quelques années, ils ont pris bon nombre de kilos superflus. Ils sont heureux, cela se voit, s'affiche même du Pacifique à l'Oural. L'écho de leur fête retentit dans l'Occident pressé d'oublier. Balles costumées, soirées, parties, réveillons se succèdent. Ils et elles y portent des petits chapeaux en carton, de faux brocarts, de vrais diamants, font sauter les bouchons de champagne, s'offrent des histoires de cul plutôt que des amours. Pas du sexe, non, du cache-sexe. Des coups fourrés, des coups en douce, du clandestin, planqués derrière les belles images de la famille idéale. Car il y a des revers à cette panoplie de médailles. Femmes engraissées comme des oies bien avant la quarantaine, périssant d'ennui auprès de leurs bourgeois, qui caracolent sur les chemins de l'adultère, belles au bois endormies, dont le prince charmant a du mal à trouver la couche. » C'est le début du deuxième chapitre, Cathy Bernheim, bonjour. Bonjour. De votre livre paru au tout début des années 90, c'est cela ? Oui, 83, en ouais. fait. À 80, ouais, au début des années 80. 83. Donc, L'amour presque parfait qui a été réédité aux éditions Le Félin, c'est ça ? Alors, c'est quel... Je me trompe. Voilà. Perturbation, ma sœur, c'est 83 et celui-là, c'est 90. Ah voilà, j'avais bien vu. Donc, c'était bien 90. L'amour presque parfait. Vous y racontez donc justement votre expérience dans le début du féminisme, comme vous l'aviez fait dans un livre justement paru en 1983 qui s'intitulait Au seuil, perturbation, ma sœur, naissance d'un mouvement de femmes. Car vous étiez, je l'ai dit, donc de celles qu'il y a presque 40 ans, et on le fêtera ça l'année prochaine, ont manifesté donc en août 1970 sous cet arc de triomphe. Est-ce que ces manifestations étaient directement liées à ce que je viens de lire, c'est-à-dire cette idée que vous aviez grandi dans une sorte d'opulence, une opulence qui avait son revers, qui avait des angles cachés, des endroits où il ne fallait pas aller, qui était justement en particulier ce que vous racontez du rapport des hommes et des femmes dans ce début de chapitre. Oui, il y a beaucoup de cela effectivement, et c'est surtout le démarrage de notre envie de changer un petit peu tout ça. Ce qui s'est passé, c'est que depuis quelque temps, des petits groupes d'un peu partout de femmes se parlent. Disons qu'après, depuis mai 68, les femmes parlaient entre elles un peu plus. Et du coup, des petits groupes ont commencé à se dire que tout n'allait pas de soi dans la condition des femmes. Et donc, se sont mis à interroger les choses. Et puis ensuite, il y a des mouvements qui se sont développés aussi aux États-Unis. Et cette manifestation pour l'Arc de Triomphe était là pour soutenir, ou du moins pour déclarer qu'on était solidaire avec la grande manifestation qui avait lieu aux États-Unis, qui devait... fêter les 50 ans du suffrage féminin aux États-Unis. Oui, alors une grande manifestation qu'on a beaucoup caricaturée d'ailleurs. L'historienne Christine Barr nous le rappelait l'autre jour dans un débat à Blois. On n'y a pas, comme on dit, jeté ses soutiens-gorges ou fait brûler ses soutiens-gorges, donc comme la presse américaine l'a répercuté et donc la presse mondiale à ce propos. Mais on a simplement jeté des dessous féminins dans la poubelle. Donc, et à partir de là, il y a eu toute une on peut dire, une sorte d'ambiance autour de cette question-là, donc à la fois la libération sexuelle, à la fois la volonté de s'affirmer en tant que femme dans le paysage public, et cette manifestation d'août 70 rentre dans ce milieu, dans ce halo. Vous avez d'ailleurs dans Perturbation ma sœur redistribué ou raconté, re-raconté le tract que vous distribuiez le matin même. Le texte de ce tract, c'était « Femmes en grève ». Par leur grève, les femmes américaines se posent publiquement comme un groupe opprimé et revendiquent non une égalité à l'intérieur de cette société, mais la fin d'une oppression. La condition des femmes européennes est la même. Quand elle n'est pas pire, le mouvement est en train de prendre naissance ici. Il est déjà fort en Angleterre, en Hollande. Et pourtant, Cathy Bernheim, au moment où vous écriviez cela, où vous distribuiez ces tracts et où vous alliez vous rendre sous l'Arc de Triomphe, il y avait des sociologues, y compris des femmes, qui disaient « mais non, la situation en France est bien différente qu'aux États-Unis, qu'en Allemagne, qu'en Angleterre, qu'en Hollande ». Oui, oui, c'est-à-dire que le discours qu'on entendait le plus, c'était vraiment « ici, nous, les femmes, nous sommes libres ». On était censé avoir une liberté sexuelle que n'avaient pas certaines autres, à part les Suédoises, pour parler uniquement de l'Europe. Et ben voilà, nous après, on entendait ces belles paroles et on essayait de mesurer ça à l'aune de ce qu'on connaissait. Et on a fini par dire bon, parlons un petit peu de la réalité. Et alors, ce qui s'est passé, c'est que souvent, et ça c'est ça qui est étonnant dans le mouvement des femmes, c'est qu'on lance une idée. Là, on va à l'Arc de Triomphe parler de la femme inconnue, du soldat inconnu, ce qui paraît pour nous évident, disons. Quand on y a réfléchi, on s'est dit que là, vraiment, c'était le moment de dire que les femmes étaient invisibles dans cette société. Et quand on regarde, je crois, les écrits de l'époque, aussi bien la presse que les livres, etc., on s'aperçoit que les femmes n'y existaient presque pas. Oui, d'ailleurs, l'hymne du MLF que vous retranscrivez également dans ce livre Perturbation ma sœur, enfin pour certains de ces passages, dit bien nous qui sommes sans passé les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire. C'est vrai que tous les travaux d'histoire des femmes qui seront initiés, en particulier par le groupe autour de Michel Perrault, en tant qu'historienne, débuteront à ce moment-là ou juste après, mais à ce moment-là, en tous les cas, l'histoire des femmes en tant que telle n'existe pas, Cathy Bernheim. Elle n'existe d'autant pas qu'on n'a même pas l'impression que d'autres femmes se sont battues avant nous pour avoir, par exemple, le droit de vote. C'est-à-dire, moi, par exemple, je me suis rendu compte que d'un coup qu'on avait eu le droit de vote qu'en 45, et je me suis dit, mais c'est quand même extraordinaire, qu'est-ce qu'elles faisaient avant, nos mères, nos grand-mères, comment ça se passait dans la société pour que ce soit une société où les femmes ne votaient pas. Ça m'a paru tellement évident que depuis, j'arrête pas de voter. C'est pas toujours très amusant à faire, mais je le fais. Et je me suis dit à ce moment-là, mais c'est, il y a tout, on nous a élevés dans une ignorance totale de l'histoire des femmes. Ça, oui, c'est il faut se souvenir, et nous le rappelions dans le documentaire la semaine dernière, qu'en 1965, simplement, changer la loi sur le mariage qui défaisait cette idée que la femme était une sorte d'éternel mineur dans son couple et qui autorisait enfin la femme à avoir des droits particuliers au sein de son couple, ce qui n'était pas le cas auparavant. Avant, sortir à l'étranger, avoir un chéquier, faire des achats sans l'autorisation de son mari à partir d'une certaine somme, tout ça, ça n'était pas possible auparavant. Et ça n'est qu'à 5 ans de cette manifestation de 1970, oui, oui. Cathy Bernheim. C'est là-dedans qu'on est venu à l'âge adulte, et c'est comme ça qu'on s'est révolté en s'apercevant qu'on parlait beaucoup de liberté à cette époque-là, surtout après mai 68, mais que concrètement, il y avait encore beaucoup de choses à faire. Alors, il faut un peu clarifier ce moment entre 68 et 1970. Avec vous, Cathy Bernheim, parce que l'année dernière, ou il y a 2 ans, il y a eu des héritières du mouvement féministe qui ont dit, voilà, nous fêtons les 40 ans du mouvement féministe en 2008, donc, puisque c'est né en 68, comme beaucoup d'autres, vous dites c'était une sorte de désordre de volonté, comme on a pu dire pour la résistance à un certain moment, et ça ne s'est cristallisé qu'à partir de cette manifestation de 1970, Cathy Bernheim. Oui, c'est-à-dire que quand j'ai su que j'allais venir vous parler, je suis allée regarder un petit peu les écrits des unes des autres, etc., sachant effectivement que de tout temps, nous, dans le mouvement, on a dit que le mouvement commençait en 1970, et tout d'un coup est apparu, on ne sait pas pourquoi, d'autres versions, et c'est vrai qu'on sait aussi que l'histoire, c'est une reconstruction. Une reconstruction constante, mais il y a des gens qui reconstruisent d'une manière et d'autres de l'autre. Alors, il y a des reconstructions qui sont des consolidations, mais il y a aussi des reconstructions qui sont des démolitions. Là, en l'occurrence, ce qui se passe, c'est quand j'ai relu tous les articles intermédiaires entre la manifestation de l'Arc de Triomphe et nous, je me suis rendu compte que, à chaque fois, quand les gens parlent de l'histoire, ils disent, le date de naissance du mouvement de libération des femmes, son apparition publique, c'est 1970, c'est le 26 août 1970, c'est l'Arc de Triomphe. Alors, il y a eu des groupes avant, et il y avait des groupes issus de mai 68 qui déjà discutaient de la condition des femmes entre elles, ou même des groupes mixtes. Mais ce qui s'est appelé le MLF, le mouvement de libération des femmes est né là. Alors, racontez-nous donc par le menu la préparation de cette manifestation. D'abord, nous sommes sans passé, donc l'idée c'est qu'il faut s'en donner un. Il faut donc faire un acte public, même si on est peu nombreuses, un acte public qui permettra de montrer donc à l'opinion publique qu'il y a la possibilité d'imaginer une autre façon de raconter l'histoire, c'est-à-dire une histoire avec les femmes et non pas une histoire dont elles seraient totalement absentes, Cathy Bernheim. Oui, mais disons que comme on n'est pas dans une optique grands hommes, grandes femmes à l'époque, c'est pas comme ça exactement ça s'est passé. C'est-à-dire que qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que les femmes se sont commencé à se parler. Et en se parlant, elles ont découvert que vraiment, il y avait des tas de choses à bouger, des tas de choses à changer. Et au fur et à mesure, des femmes sont venues, ont posé à la fois les questions, essayé de trouver les réponses, ont fait des réunions, ont essayé de trouver les méthodes, qui étaient des méthodes relativement différentes de ce qui se passait ailleurs. Certaines venaient des États-Unis, comme les groupes de conscience, d'autres venaient d'autres choses, parfois on créait nous-mêmes nos propres méthodes. Et à un moment donné, voyant tout ça et cette effervescence, on s'est dit « bon, maintenant il faut qu'on soit plus nombreuses ». Et pour être plus nombreuses, on s'est dit, comment fait-on pour faire savoir que cela a lieu ? Il faut poser un acte public. Voilà, il faut publiquement apparaître sur la scène. Et donc, à ce moment-là, on s'est dit, qu'est-ce qu'on a à dire ? Et c'est là qu'on s'est aperçu que le fameux sans histoire était un gros problème, que puisque la société française à l'époque honorait périodiquement tel homme et qu'il y avait des des discours sur l'Arc de Triomphe, la Grande Guerre et tout ça. On s'est dit, bon, mais tout ça, avec tout ça, la part des femmes dans cette histoire n'a pas eu lieu. Donc, on va voir comment on peut faire savoir à la société que les femmes existent au cas où elles ne le sauraient pas. Bon. Alors, il faut mobiliser les opinions, il faut mobiliser aussi les journalistes, j'imagine, oui. Pour qu'ils puissent rendre compte de cette manifestation. Même si elle ne dure que quelques instants, il faudra au moins qu'il y ait quelques caméras ou quelques appareils photos pour pouvoir rendre compte de tout cela, ouais. Donc Cathy Bernheim. Alors là, on a quand même de la chance. D'abord, à partir du moment où on commence à parler aux femmes, des femmes, avec les femmes, etc., on finit par en trouver qui sont très intéressées parce que, justement, elles ont des choses à faire et à dire sur ce sujet. On a eu notamment une journaliste qui s'appelait Sylvie Marion, qui nous a beaucoup aidés, qui a beaucoup alerté tous ses collègues. Et donc, au moment du 26 août, les collègues étaient prêts, ils avaient leurs appareils de photos sous la main et ils savaient qu'à telle heure il se passerait telle chose. Voilà. Alors vous êtes un groupe de combien de personnes ? Parce que quand on lit les journaux de l'époque, on dit elle représente 3000 personnes, c'est ce que dit l'Aurore. Donc à mon avis vous êtes beaucoup moins nombreuses et on ne sait pas si vous êtes 50, 100, 30, 10 à manifester sous l'Arc de Triomphe. Comment ça se passe d'abord ? On se donne rendez-vous et... Mais non, alors c'est ça qui est bien, c'est-à-dire c'est de l'histoire vécue et en vie, donc c'est pas du tout comme prévu. On n'a pas des troupes derrière nous qui arrivent en courant et en disant ça y est, on y va. On commence par discuter d'abord de l'action, et quand on a discuté de l'action, on s'aperçoit tout d'un coup qu'il y a des gens qui sont pas d'accord déjà pour y aller. Donc il y a une partie de nos petites forces de l'époque qui s'en va distribuer les tracts matin, mais qui veut pas venir l'après-midi. Il y a celles qui veulent pas du tout cette manifestation, qui trouvent ça totalement spectaculaire et sans intérêt. Et puis il y a le petit groupe qui tient bon et qui se dit nous, on veut faire ça. Et comme à l'époque on est dans un mouvement, c'est-à-dire pas quelqu'un qui dit il faut faire ci et les autres qui suivent, eh ben on se retrouve à quelques-unes. Alors quelques-unes, on évalue ça entre 9 et 12. Oui, c'est pas beaucoup. Voilà, bon. Mais ça suffit. Oui. Il suffit d'être au bon endroit, etc. Alors, et... On se souvient qu'en 1968, nous avons raconté ça dans un documentaire à propos de la chute de ce qui s'est passé à Prague en juillet 1968. Il n'était que 8 sur la place Rouge pour pouvoir manifester contre l'intervention soviétique. Ils ont été évidemment tout de suite emmenés. Ça n'est pas le même contexte tout à fait que celui tout, ouais. que vous connaîtrez en 1970. Mais en tout cas, c'est 8. Ça a compté ensuite comme une sorte de pierre de touche puisque tout le monde se référait à ce moment-là dans la question de la contestation contre le pouvoir soviétique à partir de 1968. Alors, c'est, évidemment, ça n'est pas le même contexte en France, mais en tout cas, ça veut dire qu'on peut être peu, mais que ça peut servir de point de départ à une sorte de mouvement. Oui, et puis il y a les personnes symboles, que, si j'ose dire, comme par exemple le monsieur qui s'est mis devant le char de Tiananmen, et dont on se souviendra longtemps, disons. Et on a essayé de faire un impact un petit peu de ce style. Alors vous étiez entre 9 et 12, pour certaines connues déjà, et ça comptait d'avoir par exemple avec vous Christiane Rochefort. J'imagine, et Monique Wittig. Et Monique Wittig. Et je présume. Par contre, on avait aussi d'autres connues qui ne sont pas arrivées jusqu'à l'Arc de Triomphe, mais qui nous ont trimballées par exemple, c'était assez sympa quoi. C'est-à-dire Julie Dassin, qui était dans la voiture, ou des choses comme ça. Ah oui, oui, ouais. Oui, donc qui était la fille du cinéaste Jules Dassin, effectivement. Et puis, tout compte fait, il y avait celles qui, comme vous, n'étaient pas connues, mais qui, d'un seul coup, allaient le devenir dans le mouvement des femmes, parce que simplement cette action allait prendre un autre aspect à partir du moment où elle se serait déroulée, Cathy Bernheim. Oui, mais en fait, moi, ce que je trouve qui est marrant, c'est que l'histoire, c'est l'histoire. Donc l'histoire, ça prend du temps. Et moi, on commence à me reparler de l'Arc de Triomphe et de toute cette manifestation depuis, disons, une quinzaine d'années. D'une part, depuis qu'il y a des jeunes chercheuses qui commencent à s'interroger sur quelle est l'histoire du mouvement des femmes, notamment aussi parce que on a une partie de ce mouvement qui transmet des erreurs les unes après les autres, donc on s'est dit peut-être qu'il valait mieux rectifier, voilà. Et puis d'autre part, c'est vrai que à partir d'un moment où on a un peu de recul, on peut commencer à se poser la question de l'histoire. Alors donc vous arrivez devant l'Arc de Triomphe, vous êtes entre 9 et 12, dites-vous, Cathy Bernheim, ça se passe à toute vitesse, il y a les caméras qui sont là, on voit d'ailleurs dans les archives de l'INA un tout petit film de 35 secondes sur cette manifestation, avec le sourire goguenard en plateau de ceux qui ont présenté le journal, évidemment, parce qu'à l'époque ça ne paraît pas, entre guillemets, sérieux. Très sérieux, ouais. Voilà, et puis, mais néanmoins, ça se passe comment ce petit moment, Cathy Sylvain. Bon, il y a un petit moment. Donc, on a fait nos banderoles. Il faut quand même. Il y a trois slogans qui sont partis là-bas. Je les relis parce que je me rappelle jamais par cœur. Mais il y en a un qui est un homme sur deux est une femme. Pour moi, c'est le slogan fondamental du mouvement des femmes. Parce que ça veut simplement dire que la moitié de l'humanité est féminine et qu'on s'en aperçoit pas beaucoup, ni à l'époque, ni maintenant. Bon, maintenant un peu plus, ça c'est déjà ça. Ensuite, il y en a un qui s'appelle, il y a la banderole de la gerbe, qui dit à la femme inconnue du soldat. Donc c'est une gerbe, parce qu'on pense qu'elle est morte elle aussi depuis, et qu'on veut lui rendre hommage. Et ensuite, il y a plus inconnu que le soldat inconnu, sa femme. Voilà, c'est ces trois slogans qu'on emmène, mais on a encore pas déplié les banderoles. Parce que, entre-temps, on a été emmené en voiture par des amis, etc. Moi, c'est mon frère qui m'a emmené en voiture, et je lui avais demandé de faire le va-et-vient entre un côté et l'autre de l'Arc de Triomphe, pour voir quand les journalistes seraient prêts, de façon à ce que quand on arrive, on déploie nos choses. Eux, ils avaient déjà leurs appareils sortis, les caméras, tout ça. Donc, on a attendu un petit moment là sur le bord de l'Arc de Triomphe. Alors, ce qui est rigolo, c'est que quand on dit Arc de Triomphe, on s'attend, je sais pas. Et en fait, c'était très pépère. Il y avait des touristes dans un coin qui attendaient pour monter au sixième étage, enfin, à l'étage de truc. Il y avait les forces de l'ordre, mais on le savait pas parce qu'elles étaient cachées dans le pilier. Et nous, on était là, un petit groupe de sortes de touristes, disons, avec nos petits bâtons et nos petites banderoles bien repliées. Voilà. Alors ça veut dire que s'il y avait des forces de l'ordre, c'est qu'elles savaient que vous alliez intervenir d'une certaine façon, ou est-ce qu'elles étaient là naturellement? Non, je crois qu'elles gardaient. Elles gardaient le monument. Je pense qu'il y avait, mettons, cinq gardiens de la paix, comme on disait à l'époque. On les voit avec leur képi qui, sur les archives de l'INA, vous emmène tout de suite. Alors là, pas de brusquerie, vous êtes emmené en panier à salade très vite, vous n'avez pas le temps de déposer cette gerbe, bien évidemment. C'était tellement rapide d'ailleurs, parce que dès qu'on va pour déposer la gerbe, je crois que c'est Christiane Rochefort qui a voulu la déposer, dès qu'elle a voulu la déposer, les deux gardiens de la paix sont arrivés et ont tiré pour tout de suite qu'elle n'arrive pas jusqu'à la tombe du soldat inconnu. Il fallait absolument pas symboliquement que ça atterrisse. Donc ça s'est passé très vite et nous on était très étonnés parce qu'on savait pas qu'ils étaient là. Ils sont sortis d'un des piliers, ils sont arrivés et ils nous ont entraînés vers le pilier à nouveau pour qu'on disparaisse aussi vite que possible. Et c'était tellement rapide, que j'ai eu un journaliste à côté de moi qui a commencé à me dire « Mais débattez-vous, faites quelque chose !» parce que c'était trop rapide. Donc moi je me suis mise à danser un petit peu autour à échapper à mon gardien de la paix, et qui m'a rattrapé par le truc, qui m'a tordu le bras dans le dos, et je dis, ah, qu'est-ce que c'est que ces manières? Enfin bref, c'était complètement burlesque, en fait. Alors, vous êtes emmené au commissariat, j'imagine, ouais. Donc c'est le commissariat du Roule, où on vous emmène, je crois. Et... D'abord, au rond-point des Champs-Élysées, il y a une espèce d'aquarium où on nous entraîne. Nous, pendant ce temps-là, on chante, on est 6 ou 7 dans le panier à salade, et on chante. Et vous chantez quoi, d'ailleurs, à ce moment-là? Nous qui sommes sans passé, et d'autres... dont je ne me souviens pas. Et puis ensuite, donc, vous êtes relâchée assez rapidement et vous êtes contente de l'effet que ça fait quand vous voyez les journaux le lendemain, quand vous voyez François qui parle d'un petit commando en jupon, par exemple. Est-ce que vous êtes contente de la qualification, Cathy Vernaille? Non, alors il faut savoir déjà une chose, c'est que le mouvement des femmes, en fait, nous, on n'est jamais contente. Il y a d'ailleurs un groupe qui s'appelle comme ça. Jamais contente, voilà. Donc, non, on n'est pas contente parce qu'on trouve qu'ils prennent ça vraiment à la légère. D'autre part, on n'a jamais été, on n'était pas en jupe et il se trouve qu'on s'était, quand on était adolescente notamment, assez battu pour être en pantalon, parce que s'il faut se rappeler que c'est une époque où on n'avait pas le droit de porter les pantalons à l'école, on n'avait pas le droit de porter les pantalons dans la rue parce que les familles n'aimaient pas ça. Et donc rien que le fait d'être en pantalon qui nous paraissait enfin être nous-mêmes, voilà Tipa qui nous traite de je sais pas quoi en jupon d'ailleurs, et ça nous allait pas du tout. Alors on a ça aussi dans les journaux de l'époque, parce que sur le site que vous avez commencé à mettre en place avec d'autres militantes de ces années-là, Cathy Bernheim, dont on donnera l'adresse sur notre site qui s'appelle Rebelle. Oui. Donc belle encore, pas, hein, belle avec encore, un trait d'union au milieu. Vous avez scanné donc certains articles qui permettent comme ça d'avoir des documents de l'époque. Alors on a un autre en tête des manifestants, une trentaine environ. Oui, déjà. Entre parenthèses, plutôt jeunes et jolies. Ah ouais. Trois porteuses de gerbes. Voilà. Donc évidemment toujours les mêmes qualificatifs. Et puis ou alors dans François, pas d'autodafé de soutien-gorge hier, place de l'Étoile. Seulement une bousculade. 17h30, un commando féminin approche de l'Arc de Triomphe, brandissant des banderoles. Donc, comme vous le dites, on prend ça un peu à la légère à ce moment-là. Donc, ça n'est pas encore la réussite que vous escomptiez On parle de vous, mais toujours sur un ton badin qui ne reflète pas le sérieux de vos préoccupations de l'époque, Cathy Bernheim. Moi, je dirais pas ça dans la mesure où nous n'étions pas un groupe très sérieux à l'époque. Donc, ça donne forcément la teinture de la façon dont ils ont pris. Sérieusement, 9 personnes à Arc de Triomphe avec des banderoles, ça n'est pas encore tout à fait la révolution. Donc, ce qui s'est passé, c'est que on s'est dit, ils sont complètement idiots, ils ont rien compris, mais on n'a pas trouvé qu'il manquait de sérieux. Parce que c'est justement la question, c'est que ce mouvement des femmes n'avait pas besoin de sérieux. Parce que ce qu'il avait besoin, c'était de rire, et c'est ce qu'il faisait. Donc, ce qu'il avait besoin, c'était de faire rire les gens avec elle, ce dont elle avait besoin, de façon à ce qu'on perçoive le bonheur de la libération. Parce que moi, je continue à dire que la libération est un bonheur, quelle que soit la libération. Donc là, on vivait quelque chose d'heureux et on voulait que les gens le partagent avec nous. Alors cette année 70, cette deuxième moitié de l'année 70, est extrêmement importante pour le mouvement des femmes. Parce qu'à partir de ce moment-là, il va y avoir comme une sorte d'accélération du mouvement. Ouais. Et c'est en cela où la tentative de l'Arc de Triomphe est une tentative qui enclenche quelque chose, Cathy Bernheim. Qui enclenche la venue des femmes, c'est ce qu'on voulait, qu'elles viennent discuter avec nous et qu'on commence à parler de ce qu'on pouvait faire ensemble pour bouger les problèmes sérieux qui avaient lieu justement, puisqu'on n'était pas juste là pour danser le French Cancan quand même. Alors, il y a donc Libération des femmes année zéro, un numéro spécial de la revue Partisan à ce moment-là. Ouais. C'est donc, je crois, à la fin de... C'est juillet-août d'ailleurs, c'est ce moment-là. C'est exactement c'est juste le même un petit peu avant l'Arc de Triomphe. Ouais. Ça paraît chez Maspero. Il y a également assez vite, en décembre, le numéro du Torchon Brûle, le numéro zéro du Torchon Brûle, qui va être vraiment un journal qui va être extrêmement important. En septembre 70, il y aura aussi la première AG de femmes près du Jardin du Luxembourg, dans une salle que vous avez louée. Et là, vous vous retrouvez et vous discutez entre vous. C'est donc tout de suite après cette manifestation d'août 1970. Voilà. Et c'est disons, pour nous, c'est la première fois où on prend... Enfin, il y avait déjà eu des groupes de femmes, par exemple à l'université de Vincennes, qui s'étaient réunies et qui avaient commencé à bousculer les choses, et qui étaient d'ailleurs très contestées par les étudiants de l'époque. Mais c'est vrai que c'est à partir de cet AG qu'on s'est rendu compte de la force qu'on avait et qu'on a commencé à lancer des groupes de discussion, des groupes d'intervention sur des choses et les unes et les autres, sur toutes les revendications qu'on pouvait avoir au fur et à mesure. Alors, c'est quoi la géographie, si on s'attache à Paris, c'est quoi la géographie parisienne de ce mouvement des femmes naissant entre 1970 et 1971? Il y a sûrement des endroits, des lieux qui sont privilégiés, qui sont les lieux où on se rencontre, des cafés, des lieux de rédaction de tracts, des lieux d'imprimerie, où on va ensuite imprimer ces journaux. Est-ce que vous avez un souvenir d'une sorte de géographie symbolique de ces premiers temps, de ces premiers mois du mouvement féministe à Paris, Cathy Bernheim? Ce dont on se souvient surtout, ce sont les AG des Beaux-Arts. Ça, c'est quand même une grande période de la mouvance du mouvement des femmes. Il y avait effectivement, mais on utilisait les circuits des gauchistes souvent. Donc, la librairie parallèle, par exemple. La librairie parallèle, ça a été un peu plus tard, oui, mais effectivement, on a travaillé ensuite avec Françoise Pasquier, qui travaillait à cette époque-là à la librairie parallèle et qui ensuite a créé ses éditions tierces. Il y avait toujours un local qui était prêté par une ou l'autre et qui changeait, disons, tous les 6 mois ou tous les ans, on ne sait pas trop. Quoi. Alors j'ai vu sur votre site, il y avait un local rue des Prouvaires, donc à côté du quartier des Halles. Mm-hmm. C'était un local qui a été un peu permanent ou qui a duré très peu de temps pour ce qui a duré quelques mois, mais je ne vous dirai pas quel mois, combien, je ne sais pas. Il y en a eu aussi un rue des Canettes. Voilà, il y a un petit peu des lieux comme ça où on affichait des choses, on se réunissait. Et ça montre bien que c'est un mouvement, que ça n'est pas un parti. C'est-à-dire, ça montre bien ce caractère labile comme ça de ce mouvement. On est, ça disparaît, un groupe meurt, un autre se reconstitue, un journal naît, un autre va renaître derrière. Oui, et puis le journal, il faut rappeler que c'est un journal collectif qui est fait par des gens qui ne sont pas journalistes, c'est ça un peu la différence, et que les pratiques y sont telles qu'il n'y a pas de signature déjà. Pourquoi? Ce qui est terrible pour l'historien, parce que évidemment, on comprend tout à fait, mais pour pouvoir réattribuer à un tel ou à une telle la pensée générale sert à quelque chose? Ah non, mais peut-être pour l'historien ça peut servir. Par exemple, quand on fait des œuvres complètes de tel ou tel, ça pourrait être utile de savoir que tel article appartient à la signature d'une telle. Non, je sais pas. Ben, alors c'est là où on pourrait parler des grands hommes, des grandes femmes, voilà. Des gens spéciaux et pas spéciaux. À cette époque, pour vous parler par exemple de mon attitude à moi, qui a eu un certain nombre de pseudonymes les plus farfelus possibles et imaginables, dont j'ai été notamment Speedy Cat, Catherine Crachat et d'autres noms comme ça. C'est vrai qu'on se sentait traversé par quelque chose, mais on se sentait pas... Possesseur, oui. ça se dit pas, tiens, au féminin, bah, c'est joli ça. Donc, bref, nous ne possédions pas ce que nous disions et ce que nous faisions, nous engager nous-mêmes individuellement, mais ne nous forçait pas à donner une identité. Voilà. Avec le besoin néanmoins d'avoir de temps en temps des porte-paroles, des gens qui soient reconnus, qui puissent témoigner dans les médias, par exemple. Ça devait être c'est une obligation tout de même de ce genre de mouvement naissant à un moment ou un autre. Oui. Même si on essaye de ne pas faire avec, mais il faut à un moment ou un autre passer une sorte de compromis avec les médias, j'imagine, Cathy Bernard. Oui, mais dans la mesure où les médias cherchent des gens connus. Voilà. S'ils en cherchent pas des connus, mais par exemple, je suis quand même réussi à parler dans les médias un petit peu, alors qu'au départ, je n'étais pas plus connue que quiconque dans ce mouvement. Alors donc, cette structuration, même si on a bien compris que c'était une structuration un peu floue, un peu vague, que ça avait plus un caractère de mouvement qu'un caractère de parti, va finir par donner justement ce journal Le Torchon Brûle, qui sera un moment très important, qui va durer peu de numéros. Six numéros, mais qui suffiront à entrer de façon un peu par effraction dans ce domaine de cette presse underground, qui était quand même majoritairement dominée par des préoccupations politiques et souvent des préoccupations politiques d'hommes et pas de femmes, Cathy Bernheim. Tout à fait, mais disons que déjà, par exemple, Idiot International ou Actuel avait, et le journal qui s'appelle Tout, qui était un journal de la mouvance VLR. Vive la Révolution, voilà. Donc était une mouvance où il y avait entre autres Roland Castro. Avait déjà entendu un peu ce que disaient les femmes, notamment les femmes des organisations en question. Et après ça, effectivement, nous, on a créé notre propre presse. Et d'ailleurs, il y a un livre qui vient de sortir concernant la presse féministe et lesbienne, qui est un très beau bouquin, dont je vous donnerai aussi les références. On les mettra sur notre site. Voilà. Alors, si on s'intéresse à cette histoire des grandes femmes, louons aussi les grandes dames, dites-vous dans ce livre « L'amour presque parfait », Cathy Bernheim, c'est parce que à un moment ou à un autre, vous allez vous poser la question d'un ancrage historique pour votre mouvement, c'est-à-dire essayer de réfléchir, à une fois qu'on a commencé l'action, à trouver soit des gens qui soient avant vous, soit d'autres qui mériteraient d'être mis en avant parce qu'elles ont été précurseurs d'un mouvement féministe. Alors, on pense évidemment à des noms comme Olympe de Gouges plus tard qui seront mis en avant, mais bien d'autres. Vous êtes dans l'action, donc on est souvent, quand on est dans l'action, on est souvent dans le présent et on regarde plutôt vers l'avenir. Il y a tout de même une partie de vos troupes, de vous-même, Cathy Bernheim, qui regardait un peu vers le passé, qui s'intéresse à ce qui se passe avant, à ce qui s'est passé auparavant. Ou est-ce qu'on est dans l'action vers devant, vers l'avenir et pas vers le passé? On est beaucoup dans l'action vers l'avenir au début, et notamment le besoin d'ancrage, il se fait aussi d'ancrage dans la société. Parce que si on veut changer les choses, il faut pouvoir les changer dans la société telle qu'elle est. Alors c'est là où effectivement il y a les idéalistes qui disent, moi la société telle qu'elle est, je la connais pas, donc je ne veux pas en entendre parler. Mais il y a ceux qui effectivement, qu'on appelait à l'époque les réformistes, qui vont commencer à mettre en place par exemple des centres pour les femmes battues, contre les violences faites aux femmes, enfin des choses comme ça, très concrètes, du côté de la Ligue du droit des femmes. Bon. Ensuite, il y a eu la lutte pour l'avortement, parce que c'était quand même pas possible de prétendre à sa libération. C'est très vite derrière, oui. À partir de 71-72, ça a commencé. Et c'est vrai qu'à l'époque, se dire libéré et risquer la mort parce qu'on voulait pas d'enfants, c'était quand même assez difficile à vivre. Il fallait qu'on pousse ça. Donc, il y a eu des ancrages comme ça sur le social et sur les luttes. Et puis, il y a eu des envies tout d'un coup de... peut-être de compenser, moi je dirais, le gap qu'il y avait entre la génération des femmes qui se sont battues et nous. C'est-à-dire qu'il y a eu, entre les femmes qui se battaient avant la guerre de 40, disons, et nous, il y a eu une espèce de silence sur l'histoire des femmes. Et ça, c'est une chose qu'on découvre tout le temps sur l'histoire des femmes. C'est-à-dire que les femmes font des choses, puis tout se tait, plus personne ne le sait. Et puis, il faut revenir et rappeler que ces choses ont été faites, que effectivement, comme moi, quand j'avais 18 ans, que j'ai découvert que le suffrage universel n'était pas universel, j'ai quand même, je suis tombée des nues, quoi. Et je me suis dit, mais attendez, moi, j'ai toujours appris qu'en 1789, ça y est, tout le monde votait. Non. Et ben voilà. Donc ces choses-là, il fallait compenser les, ça, quoi. Les réapprendre d'une certaine façon ou les apprendre. Trouver le lien, renouer le lien avec ces femmes qui avaient pensé des choses. Là, par exemple, il vient de vous sortir un livre sur Séverine, qui est une journaliste. Fin de siècle, ouais. Autour de l'affaire Dreyfus, ouais, enfin, dans cette période de 19e siècle. Oui, qui a été écrit par Evelyne Le Garrigue, et qui est un très beau bouquin et qui raconte très bien cette démarche. C'est très intéressant pour nous de découvrir cette façon de le combat de Séverine pour se trouver à Rennes pendant la révision du procès de Dreyfus, avec les journalistes hommes au milieu des autres, etc. Voilà, etc. C'était très important, effectivement, très et ça important. A été ensuite un peu oublié. Alors, par exemple, Beauvoir, ça ne va pas de soi pour vous toutes, j'imagine qu'à un moment ou un autre, certaines d'entre vous redécouvrent Beauvoir sans l'avoir vraiment découverte plus tôt. Comment non, ça se passe? Non, alors là, c'est exceptionnel. Beauvoir était une espèce de figure connue de toutes, même de celles qui ne l'avaient pas lu. Moi, par exemple, je n'avais pas lu le deuxième sexe. Disons que j'avais vu passer et j'en avais entendu parler, donc j'avais feuilleté, j'avais ouvert, je n'avais pas aimé, j'avais refermé. Mais par contre, j'ai lu Les Mémoires d'une fille rangée, et ça, c'est la spécificité de Simone de Beauvoir, c'est le grand éventail des choses qu'elle a abordées dans ses œuvres. Ce qui fait que, plus ou moins, toute notre génération de féministes a au moins lu quelque chose d'elle, a au moins eu envie d'en dire quelque chose et de se positionner en face de ce que pensait Beauvoir. Alors, vous rejoindrez ensuite Beauvoir pour en particulier travailler au temps moderne avec elle. Ça va venir assez vite, Cathy Bernheim. En 1974, on crée la rubrique dite du sexisme ordinaire où on a commencé à quelques-unes alors justement, c'était rigolo parce que on a créé le mot sexisme, il n'existait pas en France. Du coup, on parlait dans le tract sur l'appel à l'Arc de Triomphe, par exemple, il y a marqué le racisme mâle. Parce qu'on savait pas encore comment l'appeler. Bon, et puis tout d'un coup, on s'est dit tiens, sexisme, et je pense qu'on a dû le prendre aussi des États-Unis. Et on a donc créé cette rubrique du sexisme ordinaire où on essayait de montrer le sexisme des médias et du discours de la société. Alors, comment cette dame déjà âgée, sinon vieille dame qui était Beauvoir à l'époque, donc en 1974, accueille-t-elle des femmes comme vous, Cathy Bernheim? Est-ce que c'est un accueil un peu réservé, un peu de surplomb, ou est-ce qu'au contraire, le lien se fait assez rapidement entre ces deux générations? Ben, j'ai l'impression que ça paraît tout à fait évident. D'abord, Simone de Beauvoir n'était pas du tout un bonnet de nuit. C'était quelqu'un qui adorait rigoler et qui riait beaucoup avec nous. Donc nous, on a pris beaucoup tout ça on a beaucoup rigolé aussi en faisant notre rubrique. On s'est un peu éclaté, comme on dit maintenant. Hein. Et donc, on a très bien trouvé le contact avec Beauvoir de façon tout à fait normale et sympathique et totalement libérée, disons. Et là, en l'occurrence, vous trouvez le moyen aussi d'avoir un autre relais à partir de ce moment-là. Quand Beauvoir est à nouveau dans le jeu avec votre mouvement, elle est là pour pouvoir faire avancer votre cause après les histoires de l'avortement, après Bobigny, après le manifeste des 343 salopes qui date de 71-72. Là, vous avez des relais permanents qui font que la cause des femmes est entendu de plus en plus largement et de plus en plus loin, d'une certaine façon. Oui, mais pourquoi? Parce que ça les intéresse et parce que ça leur importe. C'est pas parce que les femmes ont dit, tiens, on va coller notre affiche, je vais mettre mon nom sur telle lutte. C'est parce que Simone de Beauvoir voulait effectivement que les avortements boucheries cessent. Hein. Donc elle a fait en sorte que les 343 premiers noms de la liste des gens qui se sont déclarés comme ayant avorté et donc hors la loi, parce que ça, il faut se rappeler que quand on a signé ça, on disait qu'on pouvait aller nous mettre en prison, qu'il y avait eu des avorteuses qui avaient été même condamnées à mort. Nous, on était là, on dit, bon, ben nous, on l'a fait, alors qu'est-ce que vous faites maintenant? Donc voilà, ça, c'était un acte politique, mais c'était un acte politique qui leur importait. C'était pas, tiens, si j'allais m'occuper d'une cause comme on fait beaucoup maintenant. Hein. Donc c'est un peu la différence. C'est que la différence, c'est que les gens là, et les femmes notamment, puisqu'il s'agit des femmes, mais aussi des hommes, hein, on va quand même pas non plus les mettre complètement dehors, avaient un intérêt personnel et profond à ce que les choses changent. Alors, est-ce que vous parvenez à toucher tous les milieux de femmes, c'est-à-dire que, comme d'ailleurs dans le mouvement gauchiste, un des buts de ce mouvement, c'est de ne pas être qu'entre intellectuels, de ne pas être qu'entre écrivains, entre personnes qui pensent, mais également de toucher la classe ouvrière. C'était la volonté du mouvement gauchiste de ces années-là. Est-ce que vous avez la même préoccupation et comment vous y prenez-vous pour ne pas rester entre écrivains, étudiantes, personnes qui pensent d'une certaine façon, mais toucher toutes les classes de la société, si c'était possible, Cathy Bernheim? Alors, il faut dire une chose, c'est que déjà, ça concerne le fait de, le problème des femmes, la question des femmes, le fait d'être femme, le fait d'être traitée de femme, on peut dire ça de toutes les manières qu'on veut, concerne toutes les femmes. Bon, nous, ça nous paraissait évident, il nous paraissait aussi évident que, de ce fait, il fallait qu'on aille voir comment était la condition des femmes de notre époque. Et on se rappelle aussi qu'en 68, on avait vu des grèves, mais pas des grèves de femmes spécifiques. Nous, moi, j'ai participé à un film qui s'appelle « La grève des femmes à Troyes », où on est allé à encore 4 ou 5 personnes, plus notre ami caméraman Ned Burgess, et on est parti dans une usine de bonnetterie de Troyes qui venait d'être occupée par des femmes. Et on a fait un film qu'on peut trouver au Centre audiovisuel Simone de Beauvoir, où justement on va voir les femmes avec notre innocence. On leur dit, voilà, nous on est des femmes, vous êtes des femmes, et on a quelque chose à se dire. Mais la question, c'est qu'on ne savait pas plus qu'elles ce qu'on avait à se dire. Donc il a fallu apprendre et savoir. Ce que je dirais maintenant, c'est qu'avec le recul et au fur et à mesure que le mouvement des femmes, que l'idée de libération des femmes a avancé dans notre société, elle s'est faite partout. Elle s'est faite sans nous, les femmes du MLF. Et à la limite, moi je suis de la mouvance qui dit ça n'a pas d'importance. C'est tant mieux. C'est tant mieux. Enfin, on s'en moque. Voilà. Je veux dire, MLF, pas MLF, à la limite, moi, ça m'est égal. L'idée, c'est comment faire avancer des idées. Voilà. Sauf que ça m'est pas égal quand quelqu'un veut essayer de dire, ben, le MLF, c'est moi. Dans ces cas-là, je ne vise personne. Je dis non, c'est pas que toi, c'est les autres aussi. Bon. Mais cela dit, ce qui comptait, c'était vraiment que le message passe. Et le message était simplement, la porte est ouverte, allons-y. Hein, c'est ça. Et alors, il y avait évidemment des émissions à la télévision, il y avait des grandes émissions comme Les Femmes aussi qui permettaient comme cela d'entendre la parole de femmes populaires, en particulier de comprendre combien pesait sur elles justement cette question des grossesses, de l'avortement, de la nécessité d'être toujours à la maison. La grève des femmes, par exemple, à Troyes, nous a appris des choses, notamment sur... quand elles étaient en train d'occuper l'usine nuit et jour avec des milices patronales qui venaient tirer dans les vitres, et etc. Il y avait les maris qui commençaient à dire, bon, écoute, là, je suis désolée, mais t'as pas fait la vaisselle depuis je sais pas combien de temps. Enfin, c'est pas tout à fait ça, mais du genre où il y avait le fiston qui cherchait un appartement, qui traînait sa mère, qui avait passé la nuit à l'usine pour aller chercher l'appartement avec elle. Enfin, il y avait toute une oppression d'abord de la du partage des tâches ménagères qui ne se faisait absolument pas à l'époque et qui se fait à peine plus maintenant, hein, il faut le rappeler. Donc si vous voulez, il y avait toutes ces trucs qui tout d'un coup double pesaient sur elles, c'est-à-dire c'était vraiment la double tâche. Comme on a actuellement les femmes qui travaillent, ont aussi la double tâche, c'est-à-dire tâches ménagères, tâches dans la société. Alors, la question de la sexualité vient rapidement aussi. Où est-ce qu'elle est annexe, connexe? Ça se passe comment dans cet éventail de discussions que vous avez les unes avec les autres, Cathy Bernheim? Est-ce que ça fait partie immédiatement des choses qui sont mises en avant, ou est-ce que il y a une sorte de temps de latence, d'après votre souvenir, par rapport à ces revendications de sexualité, de liberté sexuelle? Bon, déjà, d'après mon souvenir, mai 68 proclamait la révolution sexuelle, et on s'apercevait que 2 ans après, il n'y avait pas beaucoup de révolution du côté des femmes, ou du moins de la pratique des hommes par rapport aux femmes. Ça, c'était la première chose. Deuxièmement, il y avait peu de tolérance par rapport disons, comment on pourrait dire ça, peu de tolérance vis-à-vis de tout ce qui n'était pas tout à fait dans le moule normé. Oui, tout à fait normé, disons. Donc voilà, ça faisait que la révolution sexuelle, c'était pour certains et pas pour d'autres. Donc on s'est commencé à dire, et si vous voulez qu'on fasse la révolution ensemble, et notamment de ce côté-là, il va falloir que vous essayiez d'écouter ce qu'on a à dire. Donc voilà, donc on a commencé à parler de notre propre sexualité. Et du coup, effectivement, ça a été assez rapide. On n'a pas lancé des slogans tels quels, mais quand on entendait quelque chose qui sortait du genre bon, elle a été violée, mais enfin, c'était parce que elle était vraiment trop mal habillée et qu'elle avait des jupes jusqu'au-dessus du genou. On disait bon, ben, allez, recommençons et revoyons les choses à l'endroit et voyons qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, etc. Je me souviens d'un moment où quand on a, je parle du viol parce que c'est plus facile finalement que de parler de sexualité. Je parle du viol parce que c'est l'acte de violence dont on prétend qu'il est sexuel alors que c'est un acte de violence, point, je veux dire. Mais moi je me rappelle un journal comme Libération qui avait titré à une époque, à propos d'un homme qui avait violé et tué une fille, et qui avait été condamné à perpétuité, Libération avait titré « La perpétuité pour un viol ». Et là, on s'était dit, mais ils ont oublié le meurtre dans l'histoire. Tellement ça gênait les hommes de se dire qu'un viol est un viol. Bon, alors ça, je dis ça, moi, parce que je suis un peu agressive vis-à-vis des hommes, et donc je pense tout de suite viol quand je parle de sexualité hétérosexuelle. Mais disons que la sexualité d'ensemble, c'est surtout tout de suite qu'on l'a posé parce que c'était aussi notre vie. Quoi, disons. Et surtout parce que vous vous aperceviez que la révolution qui était souhaitée, qui était à l'horizon, qui était attendue, ne passait pas toujours par la révolution sexuelle à l'intérieur même des mouvements révolutionnaires. Il y avait aussi cette dimension-là, qu'il fallait à un moment ou à un autre mettre les pieds dans le plat auprès de ces groupes gauchistes que vous fréquentiez plus ou moins, Cathy Bernheim, et qui n'étaient pas prêts, ces groupes gauchistes, à entendre ces revendications-là. Mais surtout pas prêt à renoncer à certaines pratiques ou certaines pensées ou certaines je ne sais pas quoi, et à certains privilèges. Et en fait, ils se rendaient même pas compte que c'était pas des privilèges pour eux. Bon, alors maintenant, ce que je dirais, c'est que la révolution sexuelle de nos jours, si j'ose dire, elle est presque inutile et sans importance. Et c'est ça qui est intéressant dans le passage du temps et dans le passage de l'histoire, c'est que à l'époque, c'était quelque chose de très essentiel. Il fallait vraiment que pour avoir des êtres vivants entiers, ce soit des êtres libres, sexuellement, socialement, vraiment des êtres libres. Et c'est ça qu'on cherchait. Mais maintenant, il y a des êtres qui sont sexuellement actifs, mais pas libres du tout pour autant. Et donc, moi, j'en déduis qu'il y a un message qui est passé, mais qui a été à nouveau tordu, si j'ose exprimer la chose, par la façon dont la société emploie ce genre de système. Alors, quand vous redécouvrez et vous réapprenez cette histoire, donc à partir de ce prisme du mouvement féministe, Cathy Bernheim, vous allez y chercher qui, par exemple, vous, pour votre petit panthéon personnel, puisqu'on sera au panthéon dans 2 jours et qu'on évoquera justement cette seule figure féminine qui est celle de Marie Curie au panthéon. Il y a évidemment Madame Berthelot, mais ça n'est pas pour ses qualités, donc de chercheuse ou d'homme politique, mais simplement parce que dans le testament de Monsieur Berthelot, il voulait être enterré avec sa femme. Mais en l'occurrence, donc, vous allez chercher qui dans votre petit panthéon personnel à partir du moment où vous réapprenez, vous relisez à nouveau frais toute cette histoire du monde, Cathy Bernheim? Alors j'oublie les noms évidemment, mais il y a Olympe de Gouges, ça c'est certain, mais parce que c'était dans un contexte très particulier. Il y a des tas de femmes. Moi par exemple, je m'étais attachée à la personne de Madeleine Pelletier. D'autres dont je ne sais pas les noms, mais il faudra demander à d'autres historiennes, avaient plutôt flashé sur telle ou telle personne. Je sais que le personnage de Louise Michel est ressorti, mais ce qui est quand même intéressant, disons, c'est que, par exemple, regardez, pour mettre quelqu'un au Panthéon, qui soit de sexe féminin, si on peut dire ça comme ça, il faut au moins avoir 2 prix Nobel, et puis je sais pas encore quoi, parce que on découvre que Marie Curie a fait des choses formidables tout le temps. Il faut un destin hors du commun, beaucoup plus hors du commun que les moindres petits hommes dont certains du Panthéon ne sont même plus connus de nos jours. Donc c'est un petit peu ça dont on parlait quand on s'attachait pas. On s'attachait à des figures. Par exemple, personnellement, moi je suis écrivain et j'ai tout de suite flashé sur des écrivains comme Virginia Woolf, qu'à l'époque nous ne parlions, dont on ne parlions pas. Ensuite j'ai écrit des livres. Sur Marie Shelley. Un livre sur Marie Shelley, parce que j'ai découvert qu'une jeune fille de 18 ans avait écrit Frankenstein. Et que ça m'a quand même fascinée, et je me suis demandé de quoi il s'agissait. Oui, ça c'est bien votre panthéon personnel. Voilà, parce que pour écrire sur Marie Shelley, il faut vraiment être passionné par elle et se dire qu'il y a là, dans cette naissance du 19e siècle, il y a quelque chose qui tient justement de la souffrance faite au corps, de la question de la place de la médecine, de la croyance dans le progrès, etc. etc. Cathy Bernheim. Et puis parce que j'ai eu une lecture sur Frankenstein un peu différente, disons féminine, qui consistait à dire que Frankenstein c'était un tout petit bébé, et qu'il fallait qu'on voit aussi quelle lecture la maternité donnait de Frankenstein. Mais ça, justement, pour réintroduire du féminin, mais alors traditionnel, puisque quand je dis féminin, là, je parle de maternité, or qu'il se trouve que je n'ai pas d'enfant, et qu'on est beaucoup à ne pas avoir d'enfant, et on est beaucoup de femmes encore à être obligées de dire « je n'ai pas d'enfant », alors qu'à chaque fois qu'on rencontre un homme, on lui demande pas s'il a des enfants. Bon, ça c'est donc, le fait qu'on est encore dans une société tout à fait déséquilibrée au terme de la sexualité. Vous avez écrit également sur Valentine Hugo? Oui, alors voilà, moi j'ai écrit sur Valentine Hugo. Pourquoi ? Parce que je voulais savoir ce que c'était que l'avant-garde du côté des femmes. Et j'ai pas cherché quelqu'un qui était une artiste extrêmement connue, mais qui était quelqu'un de très original, parce que je voulais comprendre un petit peu différemment, disons. Pas en disant, ah ben voilà, c'est tel artiste, je veux dire... Alors, vous aviez participé, il y a quelques temps, et pas très longtemps, à un numéro du magazine Prochoix qui s'appelait MLF, le mythe des origines. Est-ce que on pourrait s'arrêter dans les deux dernières minutes de cette émission, des deux, trois dernières minutes de cette émission, sur cette question-là, c'est-à-dire sur le fait que il est encore temps d'écrire cette histoire, il est encore temps de témoigner pour en parler, il est encore temps de confronter les témoignages, de faire un travail historique à partir de cela, parce que il y a de la mythologie qui s'installe, et vous l'avez même dit à propos de cette manifestation de l'Arc de Triomphe qui nous a servi de point de départ, Cathy Bernheim, on n'est pas sûr du nombre, on n'est pas sûr de... Et donc, à partir de ce moment-là, tout peut être d'une certaine façon dit, or, il est temps de faire cette histoire-là, et les 40 ans de cette manifestation l'année prochaine, ça sera le moment peut-être de reposer des bases d'une discussion historique sur ce sujet-là ? Oui, en fait, moi j'aurais tendance à dire les 40 ans du mouvement de libération des femmes l'année prochaine, ça va être une occasion de savoir ce qui s'est passé en interrogeant ce qu'on appelle les acteurs, les actrices, surtout les actrices en l'occurrence. Parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé vraiment, c'est-à-dire que c'est le moment, il est encore temps justement de savoir ce qui s'est passé, c'est-à-dire que ce qui s'est dit ou ce qui s'est écrit, il faut le passer au crible des témoignages de chacun qui a vécu. Bien sûr, et puis il est surtout temps de l'inscrire dans la société et de l'inscrire le plus exactement possible et d'essayer de ne pas faire comme Staline qui effaçait les gens qu'il n'appréciait pas de ses photographies. Alors, je voulais juste dire une chose sur les grands hommes et les grandes femmes, etc. C'est que pour moi, il y a des gens qui font des choses grandes, mais en aucun cas, je ne peux considérer qu'il y a des gens plus grands, plus petits, plus ceci, plus cela. Et je donne cet exemple parce que je travaille sur un ancêtre à moi qui s'appelle Hippolyte Bernheim actuellement, et que je rencontre à un moment donné quelqu'un qui me dit « Mais en quoi est-il intéressant ?» Eh ben, je vais répondre, il est intéressant parce que je m'y intéresse. Et je pense que c'est ça que, pour moi, l'attitude par rapport à l'histoire des gens, l'histoire des peuples, l'histoire des sociétés. C'est intéressant parce qu'il y a encore des gens vivants pour s'intéresser à eux. Écoutez, c'est une des magnifiques conclusions pour une émission comme la nôtre, parce qu'effectivement, c'est comme ça que nous envisageons nous aussi cette question de l'histoire, ici à la Fabrique de l'Histoire. Alors je rappelle donc, Cathy Bernheim, que votre livre « L'amour presque parfait » est publié au Félin, que l'autre livre qu'on espère voir republié, puisqu'il raconte... À chaud, pourrait-on dire, quelques années plus tard, cette histoire du début du féminisme, elle s'appelait « Perturbation ma sœur, naissance d'un mouvement de femmes ». Perturbation ma sœur, c'était une référence à Max Ernst. À Max Ernst. Et c'est une contrepatrie, je le répète, parce que je me suis fait avoir sans m'en rendre compte. Et ça, en fait, ça dit masturbation, mon père. Mais je m'en étais pas rendu compte à la mort. Et je me suis dit vraiment, Maxence, enfin, il a dit quelque chose encore aujourd'hui. Et puis, rappelons également que le site auquel vous collaborez, donc avec bien d'autres qui ont participé à ce mouvement des femmes, s'appelle re-belle au pluriel. Donc, et on mettra évidemment son lien sur notre site internet. Merci encore Cathy Bernheim d'être venue pour ouvrir justement cette semaine consacrée au culte des grands hommes. On l'a bien compris, vous étiez assez éloigné de ce sujet-là. En tout cas, le culte, ça n'est pas pour vous. Non, merci beaucoup. C'était La Fabrique de l'Histoire par Emmanuel Laurentin, La Femme du Soldat Inconnu, entretien avec Cathy Bernheim, une émission réalisée par Renaud Dalmar et diffusée pour la première fois sur France Culture le 19 octobre 2009. Vous pouvez la réécouter ou la télécharger sur le site franceculture.fr ou encore sur l'application Radio France.